Elle est arrivée à Sainte-Lucie, une petite île des Antilles, il y a une quinzaine d'années. Elle n'a pas dit comment ni pourquoi. C'était peut-être l'aboutissement d'un projet pas plus épais que celui du potager bio à Messy-Palisson. Mais un projet qui avait vu le jour et là-bas, elle était tombée amoureuse d'un Anglais, un certain Roberts, originaire de l'île, une sorte de colon propriétaire d'une plantation de bananes. Elle s'était mariée, sans doute rapidement, peut-être même aussi rapidement qu'elle avait dilapidé l'autre jour sa pension d'invalidité. Une rue à traverser pour aller de la maison à la mairie, la vie de couple qui tourne au fiasco encore plus rapidement, comme le vol du sac au concert de Mano. L'année suivante, elle était enceinte, mais déjà ne vivait plus avec M. Roberts. C'est à la même époque qu'un jour, errant sans but dans un quartier populaire de la capitale, une sorte de favela, elle avait escaladé un muret, pris sur un fil à sécher un survêtement rouge, la couleur, elle s'en souvenait, et aussi un soutif, une petite culotte, un chemisier, qu'elle s'était changé, comme on change de peau, avait abandonné ses fringues sur place et quelques heures plus tard, s'était retrouvée à poil sur un trottoir, dépouillée par la propriétaire du survêtement rouge, accompagnée de ses frères. Un autre jour, alors qu'elle faisait du stop, elle avait reconnu son père, mort depuis 10 ans, dans le conducteur du véhicule, et celui-ci n'avait rien démenti, que dalle. Tout le long du trajet, il avait entretenu le fantasme, et on aurait pu penser à un mobile pas bien propre, tu vois le genre, le mec incestueux qui veut se taper sa fille, vite fait bien fait à l'arrière de la bagnole. Mais non, au bout du trajet, il avait déposé sa passagère et disparu, à ce qu'elle dit. Une autre fois, c'était un oncle apparu comme ça, au détour du chemin, un oncle paternel, le frangin du mec qui l'avait pris en stop, et c'est de justesse cette fois qu'elle avait évité le pire, la tournant à 3 ou 4 au fond d'une mangrove. Doit y avoir un bon Dieu pour les fêlés du bocal. Zizou était trop bien dans sa tronche, Dieu l'a ignoré. Nous sommes restés longtemps l'un en face de l'autre, dans la pénombre du moment, elle parlant, moi écoutant. Et c'est tellement d'histoires incroyables déballées que je ne peux pas me souvenir de tout. J'aurais dû noter. La dernière, parce qu'après celle-ci elle est redescendue d'un étage, faut se tenir cramponné vigoureux au barreau. Pas piquer les hannetons, l'histoire. Elle marchait depuis l'aube sur une route caillouteuse, chauffée à blanc, et le soir, exténuée de fatigue, elle est entrée par effraction dans une baraque, un carbet, qu'on appelle ça là-bas. Elle s'endormit dans la baignoire. Le propriétaire l'a trouvée dormant, réveillée sans violence, et aussitôt elle s'est échappée comme l'animal pris au piège à qui tu ouvres la cage. Mais l'homme, peut-être par précaution, avait appelé les secours et, quelques minutes plus tard, les pompiers ramassaient Mme Robert sur la route et l'embarquaient. Le soir même, à l'hôpital, elle accouchait par césarienne une fille magnifique, un bébé de 3,5 kg. Je l'ai dit plus haut, j'étais certain qu'elle ne pouvait descendre du premier étage et atteindre le rez-de-chaussée sans un détour plus ou moins long par le sous-sol, qui était plutôt un 36e dessous. Pas cette fois. La naissance de sa fille provoque en elle une réaction de défense contre la maladie. Le corps médical doit y être aussi pour quelque chose. Je veux pas les oublier. La maternité est une bonne thérapie, mais pas toute seule. Il lui faut du renfort. Sinon, t'imagines, après chaque rechute, allez hop, un marmot à la couche et c'est reparti. Elle est retournée vivre avec M. Roberts, comme un pansement, mais le mal était trop profond. Ils ont divorcé 7 ans plus tard. Pas trop mal, si on compare. Il a obtenu facilement la garde de la gosse, et tout ce qu'elle a retenu de cette période relève du cauchemar vrai ou de la paranoïa. Un jour de colère, le père aurait suspendu la fille au-dessus du vide, la tête en bas. Je n'ai pas questionné. J'avais peur d'interrompre des confidences arrachées à la dinguerie par une longue nuit de sommeil sous le drap blanc d'un hosto de province. C'était fragile. Je me contentais de la regarder, d'admirer ce beau visage et paroles. Il était bien requinqué, mon petit moineau défait, remis à neuf, que c'était une joie pour les yeux. Tout d'un coup, je ne saurais dire pourquoi, elle m'a resservi la critique sur mon écriture, que je ne mettais jamais de point-virgule nulle part. On a parlementé un moment là-dessus, et moi, je sentais que le sujet était d'importance pour elle. Alors, histoire de dédramatiser, j'ai dit que la ponctuation, c'était nécessaire au souffle, comme une évidence, que derrière un point, t'avais le temps de prendre une grande respiration, d'aller te jeter un petit blanc derrière la collerette au troquet d'en face. Après une virgule, fallait faire fi ça, Mais après un point virgule, hein, on fait quoi après un point virgule ? Elle n'a pas répondu. J'ai voulu profiter de l'instant pour éclaircir cette histoire atroce de la gamine suspendue dans le vide par les pieds. Vous avez assisté à la scène ? Que je lui ai demandé. Un bon, naturellement. Pourquoi inventerais-je une histoire pareille ? Eh oui, pourquoi ? Plus tard, il me sera donné de rencontrer M. Roberts. Je lui poserai la question. Il niera tout en bloc, farouchement. « Elle l'a inventé, » dira-t-il. « Mais pourquoi aurait-elle inventé une histoire pareille ? » demanderai-je, reprenant la phrase. « Parce qu'elle est folle. » Et j'aurais très envie à cet instant de lui mettre mon point virgule sur la gueule à ce gros connard. Vers midi, nous avons mâchouillé un peu de charcuterie qui séchait dans le frigo. À 14h, l'hôpital a téléphoné. Il voulait savoir si ma fille était ici. J'ai répondu non, sans hésiter. La voix est devenue bougonne. C'était inconscient de sa part et potentiellement dangereux d'être parti sans attendre les examens. Mais sa disparition, enregistrée, faisait office de décharge, qu'en aucun cas l'hôpital ne serait tenu pour responsable et blablabla. J'avais mis le haut-parleur, elle a tout entendu, et rien ne sembla beaucoup la déranger dans ce qui venait d'être dit, sauf notre lien de parenté. Bah comprendre. Nous avons continué notre conversation comme si rien n'était. L'épisode hôpital n'avait jamais existé. Mais quoi, il devenait dingue, ces toubibs, à faire de la relance téléphonique chez le patient comme des marchands de véranda. Je déblatérais les conneries qui me passaient en tête, la rigolade, histoire de masquer mon inquiétude. Et la culpabilité aussi, parce que j'étais complice. Il n'y avait pas de raisonnable dans ma conduite. Pas une miette, rien que du compromis pour ne plus être seul. Qu'elle vive ici, à perpète, le café du matin, face à face, la musique de son flot de paroles, avec tous ces mots, qui fonçaient droit devant eux. Les voyages au Mali, le potager bio. Pas de la gnognotte. Oh que non. Et les soirées, parfois calmes, plus souvent tumultueuses, la cafetière en baldingue, et blanc que je te fracasse, que je t'éclabousse. Et après, plus rien. Chacun chez soi. Elle avec son insomnie, moi à la fureur d'une tendresse, d'un bon bec à la menthe. Faudrait s'en priver. Elle est revenue encore sur l'écriture. Parole, c'était une obsession. Ce que je lui avais raconté à la bibliothèque, il y a un an presque, c'est fou. Elle s'en souvenait comme d'hier. Que je voulais écrire pour laisser une trace de moi. Une espèce d'héritage destiné aux gosses que je n'avais pas encore, mais ça viendrait. « Vous avez toujours espoir ?» me demanda-t-elle. « Moins qu'au début, avouai-je piteux, mais encore un chouïa. Pourtant, je crois vous avoir dit que sans femme, l'affaire était mal engagée, n'est-il pas ? Une femme, c'est la condition obligée pour ce genre de projet, mais vous êtes là. » dis-je, en fausse déconne, elle éclata de rire. Ce serait de l'obsolescence programmée. Imaginez, une femme malade et un vieux, pardon, mais vous n'êtes pas un perdreau de l'année. Cette progéniture n'a aucune chance de monter sur le podium. Son rire entraîna le mien. Elle avait raison, fichtre, pour une fois. C'était folie que d'espérer encore. Mon écriture n'aurait pas d'autre mobile que le plaisir de noircir du papier, des pages et des pages, à l'impro, et la notoriété arriverait ou n'arriverait pas. Sans marmots pleurnichards dans les pattes. Je me suis senti comme soulagé d'un poids devenu pénible à porter. En forme de consolation, elle a rajouté « Avoir des gosses, quand on est vieux, ne comporte qu'un avantage, on les embête moins longtemps. » Et j'ai remis une couche, ces petits cons. Après, nous n'avons plus parlé de mon écriture. On a fait le tour, je crois, tout en déconne, et j'avais pris la petite tête, celle que tu apportes sur un plateau pour acheter de l'amour. Nous sommes sortis. Fallait redonner en urgence du crédit à son forfait téléphonique, qu'on ne soit plus sans nouvelles. Et la facture a creusé profond dans mes finances, qui étaient souffreteuses, tu parles. Un minimum vieillesse y vieillit pas longtemps. T'es toujours aux aguets d'une économie de bout de chandelle, la ristourne ici et là, que je te rogne sur le vestiaire jusqu'à la trame, et parfois aussi sur la bouffetance. La picole pas trop, sinon t'as plus de béquilles. Ce n'est pas l'abonnement qui a le plus coûté, non. C'est la note en retard. Et quand elle a vu le total, Madame Roberts, elle a renaudé, dit que je n'avais pas à payer sa dette, qu'elle était déjà bien assez à ma charge comme ça. Mais j'ai insisté, mis en avant la nécessité de pouvoir se joindre à toute heure du jour ou de la nuit. Et puis vous pourrez appeler votre fille, savoir ce qu'elle devient. C'est important, non ? J'ai ajouté qu'elle pouvait même appeler l'hôpital, prendre un rendez-vous pour ses fameux examens, qui diraient son état de santé bien mieux que l'horoscope. Elle a éludé la question. Nous sommes allés à son appartement récupérer le téléphone portable. La boîte était pleine de lettres, que de l'administratif. Elle les a posées sur une table sans les ouvrir. peur des mauvaises surprises. La flotte coulait encore des robinets, mais pas l'électricité. Il n'y avait plus d'urgence alimentaire, mais le reste partait en escapade. Plus de jus, donc plus de lumière, plus de musique, plus de télé. Heureux que le frigo américain fût resté à quai lui aussi, car les glaçons auraient fondu comme neige au soleil. On a fait quelques provisions de bouche, puis on est rentré à la case. Nous avons croisé la fausse concierge, qui nous a salués avec un vrai rictus. Madame Roberts m'a tenu le bras, sans trop le serrer, jusqu'à l'ascenseur. « Vous êtes monté en grade, » que j'ai dit. « À l'hosto, vous étiez ma fille. Ici, vous êtes ma mère. » Et je lui racontai ma dernière entrevue avec Madame Bron. Nous avons bien ri, bien mangé, bu force café, papoté à bâton rompu de tout et de rien. Mais un truc me taraudait l'esprit. Pas moyen de le virer. Plus têtu qu'un bélier. Maintenant qu'elle allait mieux. Du proviseur peut-être, mais quand même. Elle attendait quoi de la suite? Pas loin. Demain seulement. Ça pouvait pas durer encore bien longtemps à ce rythme. Pas d'histoire de fric, non. Sa santé d'abord. Il devenait urgent de ralentir la course avant de percuter le mur. Elle a pincé la bouche, fixé le mur en face d'elle. Tu pouvais pas te gourer, hein? C'était le même réflexe de fermeture automatique. Et dès lors, tu comprenais que plus rien ne passerait, que plus un abonné ne répondrait au numéro demandé. Heureusement, il était tard, passé minuit. J'ai prétexté une fatigue de vieux. Que franchit la soixantaine, on est moins gaillard. Et sûrement qu'elle aussi aspirait au repos après les événements du jour. Elle n'a rien dit. Je me suis glissé dans les torchons et j'ai ruminé longtemps tout ce qu'elle m'avait raconté sur sa vie d'avant, aux Antilles, pas tellement différente de maintenant au final. Et je me disais que la mienne, en comparaison, c'était Martine à la plage. J'étais certain qu'elle n'avait pas tout dit. Écarté à souhait l'indicible, celui qui creuse un peu plus profondément dans la névrose et que, fatalement, les mecs chelous, rencontrés au hasard d'un périple, ils s'étaient servis sans autorisation. Un beau brin de fille, tu devines. Envie de taper du poing contre les murs. Je me suis juré de me venger sur Welbeck, à défaut.